Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Patty Hearst, la riche héritière devenue braqueuse de banque. Coup de théâtre aujourd'hui devant un tribunal de Los Angeles où Patricia Hearst s'est implicitement reconnue coupable de vol à main armée dans un magasin de la ville. Elle avait déjà été condamnée à 7 années d'emprisonnement pour complicité dans un vol de banque à San Francisco avec l'armée de libération sabionnaise. L'histoire de Patty Hearst est complètement abracadabrante. Petite fille du richissime magnat de la presse américaine William Randolph Hearst, elle est kidnappée le 4 février 1974 par un groupuscule d'extrême gauche qui se fait appeler l'Armée de libération sabionnaise. 2 mois plus tard, à la surprise générale, elle annonce qu'elle se joint au groupe dans sa lutte anticapitaliste en participant, entre autres, à des vols de banque. Aux États-Unis, Patricia Hearst est maintenant libre et est sortie de prison aujourd'hui. C'était la première fois qu'elle se trouvait entièrement libre depuis que l'armée symbionnaise de libération l'avait enlevée le 4 février 1974. Il y aura 5 ans dans 3 jours. C'est côte à côte que la jeune fille et son fiancé Bernard Shaw sont apparus devant la prison. Ils doivent se marier au mois d'avril. Le jeune homme est policier. Il était son garde du corps lorsque Patricia était en liberté sous caution. Depuis le matin, de nombreux journalistes, caméramans et photographes l'attendaient. À la maison, c'est sa mère qui l'a accueilli et qui a fait part de la grande joie de la famille de voir prendre fin à cette longue période de tension. Bernard de Rome, au téléjournal du 1er février 1979, qui annonce la sortie de prison de Patricia Hearst. Cet événement marque la fin de l'une des plus intrigantes pages de l'histoire judiciaire des États-Unis. Pour nous raconter la fascinante épopée de Patty Hearst, la politologue à l'Université de Sherbrooke, Karine Prémont, également directrice adjointe de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand à l'Université du Québec à Montréal. Karine Prémont, bonjour. Bonjour. L'histoire de Patty Hearst, Karine Prémont, c'est d'abord une histoire fascinante. Oui. Il y a tellement d'ingrédients là-dedans, même le nom du groupe qui l'enlève, l'Armée de libération sabionnaise, on va y revenir, mais vraiment une histoire complètement extraordinaire. Mais c'est aussi cette histoire-là, Karine, c'est pas un hasard, c'est les années 70, mm-hmm. C'est aussi l'histoire d'une époque. Parlez-nous du climat aussi pas piqué des verres, passez-moi l'expression, qui prévaut dans ces États-Unis des années 70. Les années 70 surviennent après cette décennie de l'amour et de la paix qui étaient les années 60, mais les années 70 seront tout le contraire. Ce seront les années du désenchantement, ce seront les années de la violence, de la criminalité, du désordre public dans bien des cas, dans bien des endroits. Le terrorisme interne, est monnaie courante. Et en même temps, si on replace ça dans le contexte plus large, ce n'est pas le cas uniquement aux États-Unis, mm-hmm. C'est aussi le cas en Amérique latine où les groupuscules d'extrême droite, d'extrême gauche pullulent à ce moment-là. En Europe, c'est la même chose. On voit ça, par exemple, en Allemagne, en Italie et aussi au Québec. C'est le FLQ. Donc, ouais. Cette période du début des années 70 jusqu'au début des années 80, c'est une période beaucoup plus conflictuelle. Aux États-Unis, on y ajoute toujours... À chaque fois, c'est la même chose, mais il faut toujours ajouter ce contexte de la lutte pour les droits civiques. Mm-hmm. Après les méthodes pacifiques des années 60, le radicalisme s'installe, on commence à utiliser des méthodes un peu plus violentes pour faire entendre nos droits. Il y a des mutineries dans les prisons. Et c'est surtout la côte ouest américaine, en fait, qui est, à ce moment-là, le terreau, si on veut, de toutes sortes de révolutions mm-hmm. Plus ou moins abouti. C'est très effervescent. C'est très effervescent. Il y a la criminalité, elle est très forte. Il y a plusieurs tueurs en série qui sévissent ouais. sur la côte ouest également. Mais partout sur le territoire américain, il y a de nombreux attentats à la bombe, par exemple, de nombreux morts liés à ce genre d'événements-là. On parle, par exemple, dans les années 70, il y avait en moyenne 1800 attentats à la bombe par année, qui faisaient à peu près, encore une fois, en moyenne 25 morts par année. Quand on regarde les taux d'homicide, par exemple, c'était de 9,1 pour 100 000 habitants dans les années 70. Aujourd'hui, c'est 4,5. Ouais. Alors, c'est plus du double en termes de criminalité. Donc effervescence idéologique, mais beaucoup, beaucoup de violence aussi. Dans ces États-Unis oui. des années 70, du terrorisme, il faut le rappeler, oui. qui est assez actif à ce moment-là aux États-Unis. Ça, c'est la toile de fond. Oui. Et dans cette Amérique, donc, des années 70, arrive ce 4 février 1974, cet enlèvement de Patty Hearst. Ça aussi, tout est extraordinaire dans cette histoire-là parce que c'est une riche héritière, la petite fille, donc, de ce baron de la presse, mm-hmm. William Randolph Hearst, qui est enlevée par, on y vient, l'Armée de libération sabionnaise. Ça ne s'invente pas. De quoi et de qui parle-t-on? L'Armée de libération symbionnaise, c'est un groupe d'extrême gauche. C'est un groupe dont les membres sont très peu nombreux. Là, au moment les plus forts, là, ils seront peut-être une vingtaine à peine de personnes. C'est un groupe qui est surtout mené par deux très fortes personnalités. On parle ici de William Wolfe, qui est un étudiant en anthropologie, et d'Arnold DeFries, qui est un évadé de prison afro-américain. Donc, ces deux personnes-là vont réunir autour d'eux, en fait, un paquet de jeunes en quête, bon, évidemment, d'idéaux, on l'imagine, de sensations fortes aussi peut-être, mais c'est dans l'air du temps, justement, que de vouloir changer le monde de façon plutôt violente. C'est un groupe dont l'intérêt principal est surtout le système carcéral. L'anthropologue Wolfe s'intéresse beaucoup à la façon dont les prisons sont instituées aux États-Unis, comment on y traite les prisonniers et essentiellement comment on y traite les Afro-Américains. Ouais. Pour Wolfe et DeFries, le système carcéral américain, c'est ni plus ni moins qu'un camp de concentration pour les Afro-Américains. Mm-hmm. On fait cette comparaison-là. Qui sont surreprésentés. Surreprésentés, pas bien traités, etc. Donc, on va mettre l'accent sur ça. Et le but ultime, c'est le but ultime d'à peu près tous les groupes d'extrême gauche des années 90, c'est-à-dire détruire le capitalisme, n'est-ce pas? La particularité de cette armée de libération symbionaise, c'est dans son nom, on appelle à la symbiose, autrement dit, entre les hommes et les femmes, les blancs et les noirs, les bourgeois et les criminels. Donc, on veut en fait que tout le monde travaille dans cette optique de destruction du capitalisme. Effacer les différences. Effacer et on recommence sur des bases un peu plus communautaristes, en fait. Ouais. Donc, c'est pas un hasard, finalement, avec ce que vous nous dites, que ce groupe-là, que cette armée de libération symbionaise cible cette richissime héritière. Patricia Hearst. Non, parce que c'est le symbole, effectivement, de la bourgeoisie capitaliste américaine. Alors, il faut faire un coup d'éclat pour se faire connaître. Et d'autant plus qu'on va se servir de cet enlèvement pour venger l'arrestation de deux membres accusés d'un crime tout à fait odieux, qui va semer un peu de confusion quant aux objectifs du groupe, parce que l'armée de libération symbionaise va assassiner le directeur de la commission scolaire de Oakland, qui s'appelle Marcus Foster, en novembre 1973. Marcus Foster voulait mettre sur pied un système de cartes d'identité pour les étudiants parce qu'il y avait des problèmes d'infiltration par des réseaux de drogue, par des criminels. Alors, il se dit, si on peut identifier les étudiants à l'entrée des cours, bien, on va pouvoir, à ce moment-là, se débarrasser de ces vendeurs de drogue. Mm-hmm. Mais l'armée de libération symbionaise, il voit plutôt un instrument du fascisme gouvernemental et va assassiner Marcus Foster. Mais Marcus Foster, c'est un homme de gauche et un homme respecté dans sa communauté. Il est afro-américain. Alors, on comprend pas bien là, ouais. Quels intérêts, finalement, poursuivaient cette armée de libération symbionaise. Évidemment, ils vont pas réussir à avoir la sympathie du public suite à ce geste-là. Et puisque deux de leurs membres seront arrêtés éventuellement en janvier 1974 pour le meurtre, ben on va enlever Patty Hearst pour se venger de l'arrestation de deux de nos membres et essayer de faire cet échange de prisonniers. Ce sera leur première réclamation, d'ailleurs, pour libérer Patty Hearst. Mm-hmm. Ils en auront une deuxième un peu plus originale sur laquelle on va revenir dans une minute. Mais parlez-nous d'abord de l'enlèvement comme tel. Comment ça se déroule, cet enlèvement de Patty Hearst, le 4 février 1974? Le 4 février 1974, Patty Hearst est dans sa résidence qui est située sur le site de l'Université Berkeley où elle vit avec son fiancé qui... Il étudie et donne aussi des charges de cours, si j'ai bien compris, l'abondante littérature sur cette fameuse journée. Elle a 19 ans à ce moment-là et donc ça cogne à la porte, elle répond en robe de chambre et elle sera rapidement sur le campus, et sera rapidement ligotée, on va lui bander les yeux, on va la jeter dans un coffre de voiture et voilà, ça n'a pas pris plus de temps que ça pour enlever cette riche héritière. Mm-hmm. Et donc il y aura d'abord cette réclamation dont on parlait, échange, vous nous ramenez nos deux collègues responsables du meurtre dont on parlait il y a un instant, ça marche pas. Et ils auront donc, ce groupe, l'Armée de libération symbionaise, une deuxième réclamation, ça vaut la peine de s'y arrêter parce que vraiment, on est encore dans l'époque, là, les années 70 dont vous nous décriviez. De quel type de réclamation accouche-t-il? Bien, ce qu'il demande, c'est qu'en échange de Patty Hearst, la famille de Patty distribue l'équivalent de $70 de nourriture à chacun des pauvres de la côte ouest américaine. On parle ici d'à peu près 2 millions de personnes. Aïe. Alors, c'est quand même pas rien. Mm-hmm. Alors, la famille réfléchit un peu et finalement, elle se dit, ben ma foi, faisons-le. En plus, en termes d'image, c'est pas... C'est pas à négliger. C'est un peu l'idée de, du Robin des Bois. Là. Exactement. Et c'est de, dans cette optique d'extrême gauche de d'enlever aux pauvres, de prendre aux riches, pardon, et de redistribuer aux pauvres. Alors on s'est dit, ben, une riche héritière contre de la nourriture pour les pauvres de la côte ouest, ça nous semble raisonnable. Alors la famille va s'exécuter. Évidemment, ça va tourner au fiasco parce qu'évidemment, c'est pas une gestion simple que de distribuer de la nourriture à autant de personnes. Alors, il y a des camions qui seront détournés, de la nourriture qui sera volée. Il y aura quelques émeutes. Alors là, quand les camions de nourriture arrivent, ben, ceux qui sont chargés de la distribution souvent vont vouloir se débarrasser de la tâche et vont jeter les caisses de nourriture qui vont s'écraser dans les rues. Ça va être des pertes énormes. Ça va être des pertes. Ça va être une désorganisation complète et ça n'aura pas du tout l'effet escompté. Bon, ça nous amène tout ça donc au 2 avril, 2 mois après l'enlèvement de Patty Hearst. Elle est toujours aux mains de l'armée saint-lyonnaise. Ça a été le fiasco qu'on vient de décrire, cette histoire de don de nourriture aux pauvres. Et arrive donc le 2 avril, un formidable coup de théâtre. I would like to begin this statement by informing the public. Je tiens d'abord à préciser publiquement que je n'ai jamais été forcée à faire quelque déclaration que ce soit. On ne m'a pas droguée, torturée, hypnotisée ou intimidée de quelque façon. Stephen, nous savons tous les deux ce qui est vraiment arrivé ce lundi soir, mais tu ne peux pas savoir ce qui s'est passé depuis. J'ai changé. J'ai changé au point de ne plus vouloir retourner à notre vie d'autrefois. Ce que je dis peut vous paraître cruel à toi et à ma famille, mais l'amour n'a plus le même sens pour moi maintenant. Aimer, c'est savoir que la liberté d'un individu n'a de sens que si tous les hommes sont libres. On m'a donné le choix d'être relâché sans condition ou de joindre les forces de l'armée de libération symbiotique et de me battre pour ma liberté et celle de tous les opprimés. J'ai choisi de rester et de me battre. Extrait de l'émission Le 60, diffusé le 1er mai 1974. L'extrait qu'on vient d'entendre, c'est celui où Patty Hearst s'adresse à son fiancé, Stephen Weed, 2 mois après son enlèvement, au moment où elle annonce aussi sa conversion à cette fameuse armée de libération saint-lyonnaise, le 2 avril 1974. Donc, Karine Prémont, cette annonce-là, ça a l'effet d'un grand coup de tonnerre dans le ciel aux États-Unis. C'est incroyable, cette richissime héritière qui va se consacrer à une lutte anticapitaliste. Mais c'est tout à fait extraordinaire pour toutes sortes de raisons. Il faut savoir, ça fait déjà une cinquantaine de jours qu'elle a été enlevée. Alors, les spéculations vont bon train. Elle a été séquestrée dans un placard pendant tout ce temps-là. C'est ce qu'on apprendra par la suite. Mais c'est surtout qu'on avait annoncé dans les jours précédents qu'on libérait Patty Hearst. Et donc, la famille attendait, les médias attendaient, l'opinion publique américaine attendait. Et finalement, ce qu'on va voir, c'est cette fameuse photo de Tania. C'est le nom qu'elle prendra par la suite en référence à une compagne de Che Guevara dans sa lutte en Bolivie. Son nom de combattante. Son nom de combattante, exactement. On voit cette fameuse photo et il y a ce message, évidemment, à son fiancé, à ses parents, dans lequel elle annonce qu'elle va soutenir la cause. Il y aura des spéculations ensuite sur le degré de liberté qu'elle avait à ce moment-là. Est-ce qu'elle l'a fait de plein gré? Est-ce que c'est un message qu'on lui a demandé de lire? Bien, ça, ce sera évidemment sujet à débat dans les mois qui vont suivre. En tout cas, les parents de Patty Hearst, quand ils entendent ce message, quand ils voient cette photo et qu'ils entendent leur fille, ils sont très, très sceptiques. Écoutons la réaction des parents de Patty Hearst, extrait à nouveau de l'émission Le 60, cette émission diffusée le 1er mai 1974. Je connais ma fille et je sais qu'elle n'aurait jamais agi de la sorte sans y avoir été forcée. Nous l'aimons et nous souhaitons la revoir bientôt. Nous avons eu Patricia pendant 20 ans, eux pendant 60 jours. Je ne crois pas qu'elle ait pu changer autant en si peu de temps. Alors, les parents de Patty Hearst, on l'entend bien, Karine Prémont, sont très, très sceptiques face à cette conversion de leur fille. Vous le disiez, il y aura toutes sortes de rumeurs entourant cette fameuse conversion. Est-ce qu'on sait finalement ce qui l'a conduit à se convertir? Pour l'instant, c'est encore un peu flou dans la mesure où elle a dit ensuite dans son procès qu'elle a été forcée. Elle a dit que pendant toute sa séquestration, elle avait été battue, elle aurait été violée également, c'est ce qu'elle soutient. En même temps, ce qu'on voit, c'est quand on a des images de surveillance, quand elle participera à des braquages de banque, à des vols à main armée, quand elle tiendra en otage des gens, ce qu'on voit, c'est qu'il y a certaines occasions où elle aurait pu fuir et qu'elle ne l'a pas fait. Il y a des membres du groupe qui vont dire la même chose un peu plus tard, des témoins qui vont rajouter la même chose. Donc, c'est encore un peu ambigu aujourd'hui de savoir jusqu'à quel point elle était habitée par ce syndrome de Stockholm, parce que c'est de ça dont il sera question aussi. Donc, on peut dire, ben même quand on a des occasions de fuir, quand on est complètement sous la domination psychologique et physique d'un groupe, ben on les saisit pas, ces occasions. Alors, on devient sympathique. On devient sympathique à la cause de nos ravisseurs. Et c'est donc exactement de ça dont il sera question, notamment au procès. C'est une fabuleuse histoire, j'y reviens, et j'essaie de me replacer dans le contexte de l'époque. Cette riche héritière enlevée par ce groupe d'extrême gauche, la diffusion de ce message, elle décide de devenir combattante contre le capitalisme. Comment l'opinion publique américaine réagit à cette histoire-là, à ce moment-là? Ben, elle est un peu partagée parce qu'en même temps, c'est un peu Bonnie and Clyde, un peu plus années 70, là, dans la mesure où c'est justement, on n'a pas de sympathie particulière pour les riches bourgeois dans les années 70 aux États-Unis. Alors, on est un peu sympathique à cette conversion. En même temps, ce groupe-là, on l'a dit précédemment, n'a pas réussi non plus à attirer l'opinion publique de son côté par des gestes un peu étranges qu'il a posés, par les demandes un peu excentriques qu'il a faites par la suite. Alors, la population est assez divisée sur ça. Et à partir du moment où elle s'en prendra à des gens, par exemple, elle sera impliquée dans l'assassinat d'une otage. C'est pas elle directement qui va commettre le geste, mais elle sera présente sur les lieux. Là, la sympathie du public commence à chanceler. C'est toujours un peu cette idée du révolutionnaire romantique. Là, c'est un peu ça à cette époque-là. On parlait de Che Guevara tantôt. Là, on est un peu dans cette période-là. Mais à partir du moment où il y a des citoyens ordinaires qui en font les frais, ben là, la sympathie du public s'effrite rapidement. Et concrètement, justement, qu'est-ce qu'elle va mener comme action, cette combattante Tania, c'est ça? Oui. Alors, vol de banque? Vol de banque, attaque à main armée. On l'accuse aussi d'avoir commis des actes d'humiliation à l'égard des otages, donc les avoir vraiment physiquement empêchés de s'enfuir, par exemple, ou de les avoir psychologiquement un peu maltraités. Donc, c'est de ça dont elle sera accusée là, éventuellement quand on finira par l'attraper. Et ça dure là, des mois et des mois. Ça dure des mois et des mois parce que quand il y aura cet assaut contre le cœur de ce groupe-là en mai 1975, elle ne sera pas dans la maison où les policiers vont mener l'attaque. Alors, elle sera ensuite en cavale pendant tout le reste de l'été et sera arrêtée seulement en septembre 1975. Ben justement, ce sera le 18 septembre 1975 que la police va finalement mettre la main sur Patty Hearst, mais aussi sur trois autres membres de l'Armée de libération symbionnaise. Good evening. I'm Harry Reasoner in New York. It was shortly after lunchtime in San Francisco today when FBI agents captured Patricia Hearst and three other SLA members. Bill and Emily Harris, founders of the SLA, were picked up by agents after jogging near where they lived in the city's Mission District. Not far away, agents knocked on the door of a second house. Patricia Hearst answered. "Okay, you've got me," she said, and she gave up without a fight. OK, vous m'avez trouvé, aurait dit Patty Hearst au policier du FBI, qui la retrouve donc dans une maison à San Francisco, dans la région de San Francisco, Karine Prémont. Comment la police réussit-elle son coup? La police avait réussi à prendre en filature des membres de l'Armée de libération symbionnaise qui tentaient de voler des munitions dans un entrepôt. Donc, ces gens-là ont réussi à échapper aux forces de l'ordre, mais les policiers ont réussi quand même à voir où était le repère de ce groupe. Alors, quelques jours plus tard, en fait, le lendemain, je crois, il y a 500 policiers qui ont donné l'assaut et qu'ils ont mené une action, semble-t-il, d'une rare violence. Ça a été diffusé à la télévision et ils ont fini par mettre le feu à la maison par le biais de bombes incendiaires, tuant les 6 occupants, dont les deux leaders dont on parlait précédemment, M. Wolfe et M. DeFreeze, mais Patty Hearst, justement, n'y était pas. Et ensuite, on a réussi à faire parler les autres membres là, qu'on a attrapés comme ça dans les environs. Et on va suivre Patty Hearst, toujours avec un coup de retard, jusqu'à ce fameux 18 septembre 1975. Bon, ça va mener tout ça, son arrestation, à sa mise à procès. Procès qui va être très, très médiatisé. Bien sûr. Comment ça va se dérouler, ce procès? Ce procès-là va tourner essentiellement autour de la question du libre arbitre de Patty Hearst, parce que c'est de ça dont il est question. Bien sûr qu'elle a participé à des actes illégaux. Les caméras de surveillance sont là pour le prouver. Elle le dit elle-même. Il y a des témoins. Sa famille, ses amis, ceux qui la connaissent, disent, ben, elle n'a pas pu faire ça de son plein gré. Et elle-même, finalement, va dire, ben, j'ai été forcée de faire ça. Et la cour va finir par trancher en sa faveur. Va dire que, bon, visiblement, elle était sous l'emprise psychologique très forte d'un groupe violent. Alors, la cour va la condamner à 7 ans de prison. elle écopera en réalité de 5 ans de liberté surveillée. Et elle va servir aussi de témoin pour la police qui va mener à l'arrestation d'autres personnes. C'est ce qui va survenir à l'issue de ce procès-là, c'est qu'on va déduire qu'on n'a pas suffisamment de preuves pour déterminer qu'elle était une participante active et rationnelle là, à ces événements. Puis elle sera même éventuellement graciée par un président américain. Est-ce qu'au fond, ses origines vont pas la servir et la plutôt bien servir dans ce qui suivra? Son procès, le fait qu'elle sera graciée, est-ce qu'on retrouve pas là un petit peu, au fond, la riche héritière qui... Ben, c'est une Hearst. Ouais. Les Hearst sont à la tête d'un empire médiatique, il faut le dire, alors qu'il peut faire beaucoup de dégâts, n'est-ce pas? Quand on connaît le grand-père, je pense qu'on connaît bien la portée que peuvent avoir les médias. Effectivement, le président Carter va réduire sa peine à 2 ans, finalement. Elle fera seulement 21 mois de prison en réalité. C'est Clinton qui va la gracier pour de bon en 2001. Mais c'est clair que son statut est un élément déterminant dans ces procédures-là, parce que ses collègues, évidemment, ses collègues d'infortune, disons-le, n'ont pas bénéficié de la même clémence, évidemment, et d'autres cas de cette nature-là n'ont pas donné nécessairement le même résultat. Mm-hmm. Alors forcément, il y avait cet aspect-là qui a joué. Qu'est-ce qu'elle va devenir, Patty Hearst, après tout ça? Patty Hearst va sortir de prison, va rejoindre son milieu bourgeois d'origine, va laisser complètement de côté ses accointances révolutionnaires. Elle va se marier avec son ancien garde du corps. Elle aura 2 enfants. Elle va rédiger ses mémoires qui disent sans dire, qui laissent planer ce flou-là autour de ce qu'elle a fait. On ne saura jamais vraiment. Il reste encore un bon film à faire de cette histoire-là. Étonnamment, c'est très hollywoodien, mais on n'a pas réussi encore à trouver une façon, là, un angle particulier pour filmer cette histoire-là. Elle participera aussi à quelques films. Elle fera l'actrice dans quelques films, notamment les films de John Waters. Mais essentiellement, elle va mener une vie plutôt tranquille, je vous dirais. Je pense qu'elle a vécu ses émotions... de façon assez complète. Et cette fameuse armée de libération symbionnaise, qu'est-ce qu'elle devient, Karine Prémont, après cet épisode? Elle sera complètement effritée, sera complètement dissoute à partir de l'arrestation de Patty Hearst, de la mort des deux leaders. Plusieurs des membres du groupe vont s'exiler, notamment en Afrique du Sud, au Zimbabwe. On se disperse. Mais finalement, les derniers membres du groupe, quand ils reviennent aux États-Unis, sont arrêtés. Les derniers ont été capturés en 1999 et en 2002. Ah bon? Alors, on est sûr aujourd'hui à peu près qu'il n'y a plus aucun membre de cette armée-là encore en liberté, où que ce soit. On vous laisse à l'écriture du début de ce scénario, Karine Prémont. Merci beaucoup, Karine Prémont. Politologue à l'Université de Sherbrooke, directrice adjointe de l'Observatoire sur les États-Unis à la chaire Raoul Dandurand de l'UQAM. Merci, Karine. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Martin Vaillancourt. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.